toile. Puis il se tourna vers moi. Tout en vous trahit une vie intense. Logiquement, vous devriez... Je l'interrompis. Vous attribuez trop d'importance, de pouvoir à la logique. Alors, durant quelques secondes, je fus envahie par une amère sensation de triomphe. Plus de cœur brisé, plus de lutte pour recommencer à vivre. Pas de question indiscrète à affronter, tout en s'efforçant de masquer sa défaite. Oui, vraiment une façon élégante de sortir de cette impasse.